Double étude suivante pour clôturer notamment voilà cette petite spéciale consacrée de manière très très sincère et spontanée au hardcore actuel encore une fois. Alors j'aime pas trop dire ça parce que le hardcore a toujours été actuel et puis voilà c'est des formations qui vont vachement puiser dans le old school etc. Mais pour faire un très rapide et très succinct brossage de toutes ces inspirations, de tout ce melting pot socioculturel qu'on retrouve depuis toujours dans le hardcore. Et voilà, moi le hardcore j'en écoute depuis très très peu de temps, hein, depuis 2016 seulement. Je creuse encore, je découvre, je me nourris vraiment de ce style musical que j'ai découvert donc très récemment. Ça passe par les gros noms, ça passe par les groupes de niche, ça passe par les gros styles de hardcore, parce que le hardcore... C'est pas du métal. Dans le hardcore, il y a presque autant de sous-genres qu'on peut retrouver dans le métal. Et voilà, je creuse, je m'abreuve vraiment, je m'entoure de personnes qui s'y connaissent, je me rends à des événements en France, en Europe, pour découvrir vraiment cette culture musicale à part entière. Et voilà, pour moi, un des points de rendez-vous les plus intéressants en France. Alors on a bien évidemment Paris, mais c'est pas Paris qui rayonne le plus en hardcore en France. On a le nord de la France avec l'influence de la Belgique, mais c'est pas là-bas que ça rayonne le plus. On a Lyon qui a un vivier hardcore très très fort, et c'est pas non plus là-bas que ça rayonne le plus. Là où ça rayonne le plus, c'est du côté de Rennes avec l'héritage Overcome Record, Stormcore. On a bien sûr les gars de Face to Face, ceux qui portent le Super Bowl of Hardcore depuis un paquet d'années. Et voilà, fin du mois, ils réunissent, comme on a présenté là, Spy, Bugin, Mindwar, plein d'autres groupes, et notamment la petite doublette, c'est juste pour se faire plaisir et pour illustrer un peu la prog encore un peu plus du Super Bowl, on aura End It, autre formation ricaine, voilà, américo-africaine, portée par un chanteur à la voix un peu déconcertante, mais putain c'est ultra vénère, et ça reste bien sûr très engagé. Un extrait de leur album sorti il y a quelque temps, Unpleasant Living, on s'écoutera le titre New Age Slavery, sans trop de surprise c'est une sortie Flatspot Record. Et ensuite, ça fait partie de ces groupes que, je m'étais dit, jamais j'aurai l'occasion de les voir, Bulldoze, les vétérans du beatdown américain. Voilà, c'est vraiment le groupe qui a donné ses lettres de noblesse au beatdown venu des US. Ils font une espèce de tournée hommage suite au décès de leur chanteur emblématique, hein, Kevon. Voilà, un extrait de l'album Remember Who Strongs, avec bien sûr le tubesque Nothing But A Beatdown. On espère que cette petite spéciale, un peu plus poussée sur le hardcore, vous aura intéressé. Sinon, bah tant pis pour vous, faites votre propre culture et votre propre écoute par vous-même. Voilà, bon plaisir en tout cas que ça a été pour nous de préparer ces quelques lignes. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, exceptionnellement ce soir, pas de diffusion sur les ondes de Radio Béton, les ondes des 93.6. Diffusion uniquement sur notre petit blog ou via les différentes plateformes de streaming bien connues. Après cette petite spéciale tournée vers le hardcore, retour à une autre spéciale, l'aspect hexagonal, spé française, avec Miasme. C'est une nouveauté dans l'émission de ce soir, mais bon, le groupe, on commence à entendre parler depuis quelques années. Cette petite formation All-Star Band Black Metal française. Le groupe a vu le jour en 2021, c'est vraiment tout récent, mais bon, derrière, encore une fois, on a des icos bien maus, puisqu'on a dans ses rangs des ex Como Muertos, Ritualization, entre autres. Et voilà, le premier EP est sorti en 2022 chez les Acteurs de l'Ombre, et là, toujours du côté de l'Adlo, c'est le premier véritable album studio. Voilà, c'est chanté en français, c'est du black bien crado, un petit 9 titres bien comme il faut. Un black limite rao avec des éléments punk bien crado dans les rythmiques. Voilà, des espèces de black D-beat. En doublette avec Miasme, on aura quelque chose d'autrement plus raffiné. Sup, la formation du nord de la France, hein, avec voilà les changements d'identité, sup, suppuration, etc. qui sort en nouvelle forme studio intitulé Octa. On s'écoutera le titre Hebdomas, on est toujours sur un espèce de death metal avant-gardiste. Et juste avant ça, Miasme, le morceau Délivrance, extrait de l'album Répugnance. Tout un programme, c'est parti. Confie à nous, c'est la vérité. Concernez-vous. Elle est brève l'aspect française de ce soir, 4 groupes seulement. On a donc Liquid Flesh, on est sur du death qui nous vient de Grenoble, actif depuis une petite dizaine d'années. Ils sortent là leur troisième effort studio. On est sur du death old school, hein, du caveman death, hein, inspiré même par le gore death à la sauce nécrophagia et autres autopsies. C'est pas très malin, très bien foutu. On n'est pas non plus sur du crado à la sauce necrowetch. Mais voilà, ça pue quand même le fond des goûts Liquid Flesh. En doublette, Ville Ardente, projet black metal qui nous vient d'entre Nantes et Paris, actif depuis 2021. Ils sortent là leur premier album studio après un EP en 2022. Une sortie France Black Death Grind, avec dedans des membres de FT17, Vosegus, etc. Voilà, ça nous parle de l'Italie du XXe siècle, pendant les années de plomb. Donc voilà, textuellement, c'est encore très riche la musique. Textuellement, c'est encore très riche la musique, un peu lourdin que ça. Textuellement, c'est historique. Musicalement, c'est très riche et c'est très chouette. Liquid Flesh, Océan de Faille, extrait de l'album Dolores. Ville Ardente, Vallée de Giulia, extrait de l'album Année Rouge. Mm-hmm. We'll be right back. On approche déjà tranquillou de la fin de l'émission de ce soir. On a encore quelques trucs coolos à s'écouter, hein, pas d'inquiétude. Bloodstar, tout d'abord, ça nous vient des US, beaucoup de formations américaines hein, ces dernières semaines dans l'émission. En même temps, il y a plutôt de la qualité qui nous vient de là-bas en ce moment. On est sur du Heavy Hard Revival True Heavy qui nous vient de l'Utah, actif depuis 2017. Ils sortent là leur premier album studio. En termes de true inspiration heavy, on retrouve bien sûr Visigoth et Night Demon, Eternal Champion, etc. dans les inspirations, ce petit côté un peu mélodique. C'est pas le heavy le plus frontal, mais voilà, ça reste assez épique. Et en doublette, par contre là on est sur quelque chose de très frontal, Frozen Soul. Un autre groupe qui nous vient des US, plus précisément du Texas, actif depuis 2018 également. Ils sortent là leur deuxième effort studio. C'est du Ball Thrower version banquise, hein, du gros War Death avec des mid-tempo bien écrasants, des passages rapides et puissants, voilà, qui déchaussent bien comme il faut. Ça vient clairement dans cette veine de Death US, Sanguisugabog et autres Undeath. Voilà, Frozen Soul à suivre de très très près parce que ça promet de belles tournées dans les années à venir. Fearless Priestess, le titre de Bloodstar, extrait de l'album First Sighting, Frozen Soul, Invisible Tormentor, extrait de l'album Glacial Domination. C'est parti. Cause all- Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, pas de nouveauté dans celle-ci. Tantifaxat, une sortie Dark Descent Record. Un trio de Zikos Anonyme qui nous vient du Canada, de Toronto plus précisément. Il nous fait du black avant-gardiste, actif depuis le début des années 2010. Voilà, presque 9 ans d'absence en termes de sortie d'album. Il y a eu un EP de 35 minutes en 2017. Voilà, on est sur du black avant-gardiste, donc Despel Omega, Bloodhouse Nord et même Imperial Triumphant. On est sur quelque chose d'assez difficile d'accès, c'est éprouvant à l'écoute. Il faut voilà être dans de bonnes dispositions et dans de bonnes conditions pour digérer la musique de Tantifaxat. Mais cela dit, c'est vraiment coolos quand on a percé le truc. Bongzilla en doublette, le groupe de stoner fuzzy weedy sludge qui nous vient du Wisconsin, actif depuis 1995, c'est la sortie là de leur sixième effort studio. Des compos à la gloire du cannabis, du riff gras et fumeux. Tantifaxat, donc Mind of the Sun, extrait de l'album Hive Mind Narcosis. Bongzilla ensuite, Cards, extrait de l'album Dab City. Et c'est parti. Thank you. Allez, dernière doublette dans l'émission de ce soir, mais rassurez-vous, ça coûtera encore un dernier petit morceau derrière. Pour le coup, une doublette de nouveautés. Olcott, tout d'abord, une sortie sur le très bon label Everlasting Spew Records. On est sur du Death qui nous vient de Caroline du Sud, active depuis 2017. On est sur du Death un peu brutal, un peu tech, dans les ambiances assez Nile, et en même temps on va chercher du côté Evil Death des vieux Immolation et autres Morbid Angel. Donc voilà, Olcott à suivre de près. Burial Horde, c'est la partie de cette doublette. Là, on est sur du Black Death. La formation nous vient de Grèce, active depuis plus de 20 ans. Ils sortent là leur 5e effort studio. Le line-up n'a pas énormément évolué au fil de ces années. Des vétérans de la scène appliqués dans plusieurs autres formations. On a notamment Dead Congregation à l'actif d'un des gratteux. On est sur un Black Death un peu evil, assez frontal, inspiré par exemple par les vieux Incantation et la batterie qui mitraille sec. Ça rigole pas, c'est plutôt solide, merci la Grèce. Au niveau de la musique, Olcott, c'est le morceau Aras Red, extrait de l'album At the Height of Chaos, Burial Hordes, Purgation, extrait de l'album Ruins. Et c'est parti. Hop, une clôture d'émission tout en finesse et en délicatesse, Molesty Divinity, une sortie New Standard Elite. Quand vous entendez ça, vous savez qu'on est sur du bon gros brutal death au mieux du slam. Ça nous vient de Turquie, formation européenne, donc active depuis 2016. Ils sortent là leur troisième effort studio. 8 compos, 29 minutes, une bonne grosse tartine de grassouille. Le batteur, au passage, a tapé dans Putridity ces dernières années. Molesty Divinity, voilà, toujours de la grande qualité. L'effort studio s'intitule The Primordial. Et on va se quitter avec le titre Heretical Absolution. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain. Et là, on devrait être présent sur les ondes du 93.6. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.